autour, elle ne pouvait pas voir le sens du rythme. Ici chaque balle est en BPM, Reader's kilo platine, les viewers en soutien logistique. J'fais mes 7 au lance-roquette, pas besoin de table de mix, j'ai des palettes, une caisse de munitions, un sac de riz, et c'est parti pour un summer party. Un viewer qui me dit t'es pas DJ, non moi j'te mixe des coups d'aké. Y'a un viewer qui me dit t'es pas DJ, non moi j'te mixe des coups d'aké. C'est DJ Tourelle, t'as pas le niveau, sur eux c'est le son et les bastos. Le feu d'artifice c'est les tirs de ma base, et quand je raid c'est avec classe. C'est DJ Tourelle, t'as pas le niveau, sur eux c'est le son et les bastos. Le feu d'artifice c'est les tirs de ma base, et quand je raid c'est avec classe. Mon générateur fait ouboub sans plug, y'a même des beats dans les bugs. Une tourelle qui bug, elle se met à danser, et moi je la règle pour qu'elle rappe en B. Les viewers hurlent, encore un drip, j'envoie un C4, le plafond s'envole au top. C'est DJ Tourelle, j'te mixe des frags, j'stream la guerre sans glitch ni lag. Tu farmes pendant que j'fais des tracks, sur ma chaîne c'est boom dans les sacs. Bah, pan, beat. Bang! Tu raides, tu danses, tu lootes, tu saignes, mais t'inquiète, dans la vibe on se baigne. C'est DJ Tourelle, t'as pas le niveau, sur eux c'est le son et les bastos. Le feu d'artifice c'est les tirs de ma base, et quand je raide, c'est avec classe. C'est DJ Tourelle, t'as pas le niveau, sur eux c'est le son et les bastos. Le feu d'artifice c'est les tirs de ma base, et quand je raide, c'est avec classe. C'est DJ Tourelle dans l'arène estivale, j'te fais swinger entre la mort et le fun fatal. Avec Riders qui se deal, chaque son est un raid et chaque kill un remix balèze.